Ou avait marché sans boire été entre luxe, entre réalisation à demi éclairé et poitrine. Les portes subies et arrivées semblaient longtemps et poète, qui s'éteint au poète pas. A bébote rêvé à réaliser, à bébote imagination vivant, à bébote connaissance qui obrait la chrysalide de Tchakistan, obrait votre allée et prenez votre envol. Entre les rêves à la lumière, entre les ombres, la rue, et dans le futur, un futur qui évolue. Avez votre foi en ce que vous croyez, avez votre foi en votre personne, avez votre foi sur la route, et les rosées sur votre côté, baignées de pluie, les pluies qui viennent du ciel. Vous marchez immergé dans votre pensée, vous marchez instinctivement, endormi ou éveillé. Avec votre niveau de conscience habituel, on navigue en parallèle. Avec votre culture hybride, avec votre connaissance, avec des années de vieillissement qui ouvrent la chrysalide à Tchakistan. Vous avez marché sans vous arrêter, entre rêves, entre luxe, entre réalisations à demi-éclairer et pour attendre. Avez votre plan pour soutenir l'évolution et les vôtres. Avez votre plan pour soutenir la démocratie, la liberté et le respect. Avez votre rêve à réaliser. Avez votre imagination vivante. Avez votre connaissance qui ouvre la chrysalide à Tchakistan. Ouvrez votre allée et prenez votre envol. Le cavalier.